suis prête à les entendre. On ne sait pas tout dire, je nous tue en silence. Pourtant je n'ai qu'une seule envie, c'est de pleurer comme tu me manques. Même si je t'aime à l'encre blanche, n'ont plus de sens. Est-ce que pour une dernière fois tu pourrais me prendre dans tes bras, me dire que tout va bien, que tout ira. Prends ta guitare et rappelle-moi nos fous rires au feu de bois. Et je vous entends que tu voudras, mais reste là. Si tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Si tu m'aimes encore, est-ce que tu m'aimes encore? Tu m'aimes encore, est-ce que tu m'aimes encore? Avant de passer à la programmation d'aujourd'hui, deux mots concernant la page Facebook de La Cerise sur le Canto. Sachez que tous les titres de l'émission sont repris et numérotés. Ainsi, vous pouvez établir votre tiercé et comparer vos résultats avec ceux du jury. Et si vous avez le tiercé dans l'ordre ou le désordre, mais le tiercé exact, un cadeau signé du peintre Dario vous attend. Attention, chaque émission comprend des chansons oubliées ou totalement méconnues, donc écoutez-les avant de jouer. Vous ne pouvez pas les inventer, il y a des surprises à bon entendeur. Salut! Alors on passe à la sélection du jour. Et tout d'abord une double championne. Ouais. En 1952, elle a été championne de France de gymnastique. Et 10 ans plus tard, en 1962, elle gagne pour la France le concours Eurovision de la chanson. C'était le temps où la France participait pour gagner. Ce n'est pas la chanson de l'Eurovision qu'on va vous passer maintenant, mais on l'apprécie beaucoup. Quand le temps est au beau fixe, Isabelle Aubray, deux enfants au soleil. Les cheveux défaits, ils se regardaient dans l'odeur des pins, du sable et du thym qui baignaient la plage. Ils se regardaient tous deux sans parler, comme s'ils buvaient l'eau de leur visage. Et c'était comme si tout recommençait. Contre l'autre, ils ont dormi, la mer longtemps les a bercés. Et quand ils se sont éveillés, c'était comme s'ils venaient au monde dans le premier matin du monde. La mer sans arrêt roulait ses galets. quand ils ont couru dans l'eau les pieds nus. À l'ombre des pins, se sont pris à main et sans se défendre, sont tombés dans l'eau comme deux oiseaux. Sous le baiser chaud de leur bouche tendre, et c'était comme si tout recommençait. La vie, l'espérance et la liberté, avec le merveilleux, le miraculeux voyage de l'amour. Un touche à tout. Un touche à tout. C'est comme ça qu'on les appelle dans mon petit village de Grand, dans les Vosges, les touche à tout. Eh bien, Gaston Dumestre commença dans divers métiers. Il fut d'abord coureur cycliste, chauffeur de camion, conférencier, marchand de vin de champagne, avant de s'orienter vers l'écriture. Et c'est lui qui écrivit en 1921 la chanson Colombinella, interprétée par Fred Gouin. Nous sommes en pleine chanson d'avant-hier. Le bal est fini, retournons au nid, y a des doux que j'aime. Déjà le matin, la lune s'éteint dans le ciel blême. Lente fut la nuit et sans fin l'ennui de la noce bête. Mon cœur à long flot s'emplit de sanglots après la fête. Car je pense au pays fortuné, où ton cœur à mon cœur s'est donné. Colombinella, souviens-toi de la nuit brune. Venise avait l'air étendu au clair de lune. D'une reine au cœur lourd et qui songe aux mensonges de l'amour. Sous l'astre sacré, nous voguions au gré de l'onde, et sa clarté d'or te faisait encore plus blonde. Baignant de sa splendeur, ta gondole tendrit dans le de mon cœur. Ferme un peu les yeux, tu reverras mieux sur l'Adriatique tout l'ardent décor parmi lequel dort la ville antique. Les champs d'orangers sur la mer penchée et la douce grève où par ton baiser je fus embrasé du plus beau rêve. Oh, reviens au pays fortuné, où ton cœur à mon cœur s'est donné. Colombinella, souviens-toi de la nuit brune. Venise avait l'air étendu au clair de lune. D'une reine au cœur lourd et qui songe aux mensonges de l'amour. Sous l'astre sacré, nous voguions au gré de l'onde, et sa clarté d'or te faisait encore plus blonde. Baignant de sa splendeur, ta gondole tendrit dans le de mon cœur. Yves a enclenché la machine à remonter le temps. Et là, on va faire un bond de presque 100 ans. Il n'y a qu'à la radio hein, qu'on peut faire ça. Et j'irai même plus loin. Il n'y a qu'à Fadjet qu'on peut le faire. Sans doute. Slimane. Slimane, un tube de demain.

Oh, Mireille, elle ne jure pas. Non, non, non, non, non, non. Yves non plus. Alors, un juron, ben, c'est un propos très court, insultant ou obscène, et dont la signification porte atteinte à une divinité ou aux croyances religieuses, tout simplement. Et l'anticlérical Georges Brassens ne s'en est pas privé et en a fait tout un inventaire. Je reviendrai d'ailleurs, après la diffusion de la chanson, sur un de ces jurons chargés d'histoire, la ronde des jurons Georges Brassens. Voici la ronde des jurons qui chantent et clairs qui danseront. Quand les Gaulois de bonne aloi du franc-parler suivaient la loi, jurant par là, jurant par-ci, jurant à langue raccourcie, comme des grains de chapelet, les joyeux jurons défilaient. Tous les morts bleus, tous les ventres bleus, les sacres bleus et les cornes gidouillent ainsi parbleu que les jarnies bleues et les pâles sang bleu. Tous les cristis, les ventres saints gris, les parmabarbes et les noms d'une pipe ainsi pardis que les sapristis et les sacristis. Sans oublier les jarnicotons, les scrogneugneux et les bigrés, les bougres, les saperlottes, les crénons de nom, les pestes et pois, diantres, fiches, tréfoutres, tous les bons dieux, tous les vertus dieux, tonnerre de Brest et saperlis, popette ainsi par Dieu, que les jarnidieux et les passes, que Dieu. Quelle pitié, les charretiers ont un langage châtillé. Les harangères et les mégères ne parlent plus à la légère. Le vieux catéchisme poissard n'a guère plus cours chez les hussards. Ils ont vécu des profondis, les joyeux jurons de jadis. Tous les morts bleus, tous les ventres bleus, les sacres bleus et les cornes gidouillent ainsi parbleu que les jarnies bleues et les pâles sang bleu. Tous les cristis, les ventres saints gris, les parmabarbes et les noms d'une pipe ainsi pardis que les sapristis et les sacristis. Sans oublier les jarnicotons, les scrogneugneux et les bigrés, les bougres, les saperlottes, les crénons de nom, les pestes et pois, diantres, fiches, tréfoutres, tous les bons dieux, tous les vertus dieux, tonnerre de Brest et saperlis, popette ainsi par Dieu, que les jarnies dieux et les passes que Dieu. Vous avez entendu, entre autres, jarnicotons. Eh bien, jarnicoton, c'est la version expurgée de jarnidieu. En clair, jarnidieu, je renie Dieu. Jarnidieu, c'est comme ça qu'il prononçait, paraît-il, était le juron le plus employé par notre bon roi Henri IV. Et en 1594, Henri IV se convertit au catholicisme. Et il fut doté d'un confesseur pour l'absoudre de tous ses péchés, dans de nombreux jurons, et l'initier à la religion catholique. Jarnidieu était le juron le plus fréquemment employé donc par le roi, et ça renie, je renie Dieu. Et le confesseur, lui, se nommait Coton, et lui dit un jour, écoutez, plutôt que de renier Dieu, c'est pas grave, renier Coton, jarnicoton. Ah oui. Et il conseilla donc de transformer jarnidieu en jarnicoton. Jarnicoton, il va falloir que je m'y fasse, Clébondiou. Ah, Jésus, Marie, Joseph, par Saint Jean, Saint Matthieu, Saint Paul, Sire, Clébondiou, c'est pas mieux. Alors, le disque suivant, ah oui, il faut que je l'introduise. Guéluron, joyeux de rire, fantaisiste, rigolo, mais pas que. Il sait embellir le quotidien, briser l'ennui et ensoleiller l'hiver. Le père de la Belle des Champs, donne-moi de ton fromage, semble s'amuser à croiser les mots sophistiqués avec la langue verte. Dans la chanson suivante, Richard Gottener s'est efforcé de recenser tous les mots grossiers et ceux que l'on n'emploie jamais en bonne société. Grossier, mais jamais vulgaire. Ah si, un peu quand même. Saperlipopette, Richard Gottener. Savoureux, de plus jubilatoire qu'un gros mot bien juteux pour fleurir une histoire d'une couille bien placée, d'un trou mal bien senti, et la phrase étriquée se transmute en saillie. Si l'on choisit l'option de respecter les doses, les bits et les nichons donnent des ailes à la prose, l'art d'enrichir un trait suppose qu'on soit avare. Pour fortifier les faits, il faut le rendre. On est loin des manières usuelles de notre époque. Qui veut niquer nos mères, enculer tout en bloc. Je te nique, tu me niques, on snique, l'insulte tourne en rond, et pourtant crotte de bique, on en a du juron. Tradition se perd, corne gidouille mince, zut, y'a du choix pourtant, merde, fichtre, bigre, flûte. Et pour agaillardir ces injures émoussées, je propose d'abolir votre offérant. Les on restaure pas le sang bleu, on ressort bistouquette, on déterre le morbleu et sa perlipopette. Comme l'abus de radas peut flanquer des boutons, on frise le dégueulasse à trop dire poil au fion. La grossièreté bordel est joliment vulgaire, mais elle perd son label lorsqu'elle est ordinaire. Une insulte élégante peut fleurir le crottin, mais pas la boule puante larguée à la bourrin. Comme on espère d'un cul au moins qu'il émoustille, on attend d'un mot cru du mordant qui croustille. Les immondices en bouche poussent à vociférer, je préfère en fine mouche l'invective affinée. Je vénère ces bons gros chibroche à gâte baloche, ressortons ces joyaux du fond de nos sacoches. Laissons aux aboyeurs leur manière de clébard, et ils sont la verdeur à l'étage du grand art. De plus savoureux, de plus jubilatoire qu'un gros mot bien juteux pour fleurir une histoire. On change de style complètement avec Eva Busch. C'était une chanteuse allemande, figure emblématique de l'anti-nazisme. Et lorsqu'Hitler fut au pouvoir, elle s'enfuit avec son mari à Paris. Elle fut cependant arrêtée par la Gestapo, interdite de scène et déportée 3 ans à Ravensbrück. Et pour une Allemande, elle nous fait l'honneur de chanter en français le clocher de mon cœur et ma bouche. Le ciel noir obscurcit ma demeure. Le manteau fait peur. Près du feu qui s'éteint, j'attends l'heure où l'amour fera mignon au clocher de mon cœur. Sous la pluie, j'ai guetté sur la route un signal. N'entends pas le bimbon au clocher de mon cœur. Au clocher du pays, minuit sonne, 12 coups l'on

Et nous passons maintenant à Jeanne-Marie Sens, une chanteuse des années 70 qui donnait l'impression de préférer vivre dans un monde imaginaire et fantastique plus beau que dans la réalité. Tant et tant de temps, Jeanne-Marie Sens. J'ai mis tant et tant de temps, mon enfant, j'ai mis tant et tant de temps pour grandir. On met tant et tant de temps, mon enfant, tant et tant de temps pour devenir grand. J'ai mis tant et tant de jours, mon enfant, j'ai mis tant et tant de jours pour bâtir. Le temps qu'il faut pour se connaître, le temps qu'il faut pour accepter, le temps qu'il faut pour naître et pour mourir aussi, ne sont que le temps de la vie. La prochaine chanteuse que vous allez entendre, c'est Anne van der Love. Elle a acquis la célébrité avec la chanson Ballade avec deux L en novembre, ce qui lui valut le grand prix du disque. Marraine de l'association humanitaire Cœur de Bambou au profit des orphelins du Cambodge, marraine des enfants des rues de Bogota en Colombie et marraine de l'association Otages du Monde, Ballade en novembre, Anne van der Love. Qu'on me laisse mes souvenirs, qu'on me laisse mes amours mortes. Il est temps de fermer la porte, il se fait temps d'aller dormir. Je n'étais pas toujours bien mise, j'avais les cheveux.

raison ou les sentiments, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime. On leur dit jamais assez qu'on les aime. Je vous aime. Et c'est ainsi que la cerise sur le canto prend fin pour aujourd'hui. Merci à Yves pour la réalisation technique. Merci à vous de nous avoir écoutés. La prochaine cerise sur le canto, c'est dans 15 jours. Mais nous serons néanmoins avec vous dimanche prochain pour Patchwork à l'écoute des musiques du monde. Alors rendez-vous également sur notre page Facebook, la cerise sur le canto, et pronostiquez votre tiercé sur les chansons proposées ce jour. En attendant, soyez heureux en écoutant Radio Fagette Nancy 94.2 ou sur le net fagette.net. Au revoir.